ici Guylaine Saint-Pierre, bienvenue au Radioton de CKRL, CKRL 89.1 à Limoilou, Québec, ou sur le web au www.ckrl.qc.ca. Je vous rappelle que nous sommes en radioconcert, nous avons une heure avec une artiste qui s'appelle Val Thomas qui est avec moi, et je vous invite tout le monde à venir nombreux en studio puisque ça se passe devant public. Est-ce que j'ai du public avec moi ici? Merci d'être là et il reste de la place, évidemment. Venez nous rejoindre, vous aurez l'occasion de faire un don en échange d'une délicieuse bière, en échange d'un t-shirt de différents albums que nous avons ici à offrir, et vous pourrez aussi vous intéresser au lot que nous mettons aux enchères pour, bien sûr, lever des fonds pour cette formidable radio que moi-même j'ai découverte il y a plusieurs années et que je n'ai jamais pu quitter malgré mes nombreuses activités. J'ai toujours gardé un lien avec CKRL que j'aime d'amour. Val Thomas, bonjour. Bonjour. Merci d'être là au Radioton. Merci de me recevoir. C'est toujours très important de compter sur la collaboration des artistes d'ici et d'ailleurs qui font vivre la station par leur talent, mais aussi qui profitent de la station. Est-ce que toi, t'en as profité de... Oui, certainement. De CKRL et des autres radios communautaires? Oui, je trouve ça super important. Les radios communautaires, justement, ça... ça présente autre chose, ça nous ouvre à autre chose, je trouve que ça nous permet aussi de découvrir qu'est-ce qui est local, qu'est-ce qui est juste à côté de chez nous, tandis que des fois, les autres radios, c'est assez homogène. Plus formaté, parfois. Ouais. Eh bien, toi, ton talent, ton travail, on va le découvrir au cours de cette émission, puisque tu vas nous offrir 4 prestations live. Et j'en suis très heureuse. Ça va être voix-guitare. Oui, c'est ça. Guitare acoustique, c'est ton instrument de prédilection. Exactement. Et tu es auteur, compositrice, interprète. Oui, tout à fait, oui. Et c'est en anglais que ça se passe. C'est en anglais, oui, c'est ça. J'ai grandi dans un quartier anglophone de Montréal. Fait que je m'exprime un petit peu plus naturellement en anglais. Mais un jour, je vais peut-être écrire en français aussi. Je pense que des fois, j'ai des idées. Fait que... J'ai lu quelque part que tes parents étaient d'origine très différente. Père portugais, mère égyptienne. Oui, quelle langue parliez-vous à la maison? Anglais, français, puis avec mes grands-parents portugais. Mais mes grands-parents égyptiens, on ne parlait pas arabe, malheureusement. Ça aurait été le fun d'apprendre l'arabe. Mais c'est ça. Donc, un beau bagage culturel pour toi. Oui, ben, je dirais que j'ai grandi aussi avec des amis qui avaient des mélanges un peu comme ça, polonais, jamaïcain, des mélanges peu probables, mais c'était comme presque la norme dans notre quartier. Il y avait des voisins de Croatie, de Pakistan, du Brésil. Ça te plaisait, cette effervescence culturelle? Pour moi, c'était normal, oui. Parce que j'ai grandi là-dedans. Alors, je trouvais ça normal. Et aujourd'hui, t'as rendu compte que ça a développé quelque chose chez toi que d'autres qui ont vécu dans un contexte plus homogène n'ont pas? Je sais pas s'ils l'ont pas. Ils l'ont peut-être plus que moi, mais ce que... Développé autrement. Autrement, ça m'a permis peut-être une ouverture à toutes sortes de façons de penser, à la différence, vraiment, beaucoup. Pour moi, la différence, c'est normal. Ouais. Ben oui, je comprends que le fait de baigner enfant dans de la diversité culturelle, ça, c'est comme respirer. Est-ce qu'on va en trouver des traces dans les chansons que tu vas nous jouer aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est vraiment du folk et je pense que je me suis beaucoup inspirée juste du folk américain. Assez basic. Oui, c'est ce que tu as aimé écouter le plus au cours de, je sais pas, ton adolescence, puisque tu sembles jeune. Oh. Ben oui, je pense que j'ai... Ouais, j'ai... C'est souvent l'adolescence que nos goûts musicaux s'affirment et s'affinent. Et c'est ça que tu écoutais à ce moment-là, du folk. Oui, beaucoup, beaucoup. Et je pense qu'aussi, il y a eu une période dans les années 90 où il y avait beaucoup de femmes auteurs, compositeurs. Il y avait Jewel, oui. Sarah McLachlan, Jan Arden, des femmes qui... il y avait le Lilith Fair. Et inconsciemment, je pense que c'est resté imprégné comme influence. Même si après, j'écoutais toutes sortes de musique, c'est comme... Oui. On va pouvoir en reparler juste après ta première prestation. Tu vas t'installer à la guitare. Je vous rappelle que nous recevons ici au Radioton de CKRL Val Thomas, une chanteuse folk qui est en émergence, si j'ai bien compris son parcours, qu'elle va continuer de nous décrire au cours de la prochaine heure. Vous êtes, j'espère, nombreuses à l'écoute et disposées à soutenir votre station de radio communautaire, votre station culturelle de Québec, puisque c'est grâce à vos dons, à votre contribution que nous survivons depuis plus de 40 ans. On en est à combien, Yves? Combien d'années, CKRL? 45 ans bientôt? 45 ans. C'est formidable. On dit que c'est peut-être la plus ancienne radio communautaire francophone au monde, toujours ouverte et toujours active. Et je suis très fière d'y collaborer. Val Thomas, donc, cette chanteuse qui s'exprime parfaitement en français, mais qui écrit en anglais, qui va nous interpréter une première pièce qui s'intitule, Val? Don't stop. On t'écoute. Okay. Why you wear your head down with that frown? My friend, you really need to look around and see the world through your own eyes. My friend, you really need to realize you know where to go. So don't stop now. You know where to go, you know. Why you stopping now? Hey, why are you so quick to lose your faith? So quick to turn around and walk away. You walk away. I see you've taken someone else's shoes, and then you wonder why you got the blues. You know where to go, so don't stop now. You know where to go, you know why you're stopping now. Don't stop, don't stop, don't stop. Val Thomas, en direct au Radioton de CKRL. Merci au public, toujours de plus en plus nombreux. Il reste des chaises ici. Est-ce qu'il nous reste des chaises? Il nous reste des chaises. Venez, Val nous interprétera encore trois chansons d'ici la fin de cette émission. Bravo, madame. Merci beaucoup. Merci. Le chant, c'est arrivé tôt dans ta vie? Non, c'est arrivé tard. Oui. Et comment? En fait, j'étais très sportive. Je jouais beaucoup au basketball et au soccer. Et j'ai eu des gros problèmes aux genoux. J'ai eu des opérations. Je pouvais plus faire de sport. Et puis j'ai un ami qui m'a donné une guitare après une opération et j'étais alitée. Puis à l'époque, c'était pas encore aussi développé que maintenant, fait que j'étais longtemps alitée. Ça vous rappelle pas des choses, les spectateurs? Ça me rappelle Django Reinhardt puis d'autres artistes qui ont commencé à jouer d'un instrument pendant une convalescence. C'est le coup classique, ça. C'est peut-être le coup classique, mais c'est tellement déprimant qu'il faut faire autre chose avec toute l'énergie, parce que l'énergie restait pareille. Il y avait beaucoup de, surtout quand on est sportif, notre soupape, c'est le jeu, c'est le mouvement. Puis parfois, la souffrance fait qu'on veut s'exprimer aussi, on a des choses à sortir. Oh, oui, exactement, c'est ça, toutes sortes de défis, des frustrations. Mais ça a été un mal pour un bien, mm-hmm. parce que dans le fond, j'écrivais toujours des textes depuis petite. Et là, je me suis dit, je vais mettre la musique sur les textes et puis ça devient des chansons. Et donc, tu fais tout toi-même? Oui. Poésie, musique? Oui. J'apprends, je suis en train d'apprendre, oui. Et d'ailleurs, ta sortie, tu dis que tu apprends, mais c'est quand même bien achevé, puisque tu as un mini-album qui circule depuis l'automne dernier. Oui, depuis novembre, on a sorti un petit EP avec 5 chansons. Alors, oui, je suis bien chanceuse d'avoir rencontré des personnes qui m'ont encouragée, qui ont cru en moi, puis qui m'ont aidée à réaliser ce premier premier pas, je pense. Donc, tu as des accompagnateurs sur l'album. Ce n'est pas que voix, guitare. C'est ça. Dans le fond, il y a guitare électrique, bass, batterie, et puis c'est ça. Des musiciens de Québec, hein? Oui. Notamment. Oui, c'est ça. Des musiciens que j'admire et qui sont vraiment... qui ont tellement de talent, de qui j'ai beaucoup appris en studio. Il y a Josué Bocage qui a réalisé l'album. Simon Pedneau qui a joué la guitare. P.E. Baudouin qui joue le drum. Puis Simon Marcoux qui joue la bass. Alors, bon choix. Une équipe solide. Oh oui, vraiment, oui. Chronicles from the Cave, c'est le titre. Oui. Ça paraît... Il y a de la philo là-dedans, non? La caverne? je sais pas. Il y a quelque chose d'introspectif peut-être dans ce titre. Oui, je pense que je passais par une période très introspective, puis j'avais fait des études en philosophie, théologie. C'est d'ailleurs ce qui t'a amené au Québec, d'abord, dans la ville de Québec. Ce sont des études à l'Université Laval. Oui, exactement. Aucun rapport avec la musique. Puis j'ai découvert la scène à Québec. Waouh, incroyable. La scène musicale qui bouge beaucoup. Qui bouge et qui encourage et qui élève. C'est vraiment, je trouve, j'ai été tellement chanceuse d'être ici pendant mes études et d'avoir découvert... Mais là, es-tu en train de me dire que la musique t'a détourné de la philo et de la théologie? Non, je pense que ça m'a permis de l'intégrer, puis je continue à faire ça. D'accord. Mais en parallèle, oui. Très bien. Donc, tu mènes deux carrières de front, finalement. Oui, oui, exact. Val, tu vas chanter encore pour nous? Encore, yeah! Ouais. Tu avais prévu Settle Down, c'est ça? Settle Down, oui, c'est ça, exact. Et peux-tu nous en parler cette fois-ci un peu avant de... Celle-là, elle n'est pas sur le EP, mais c'est une chanson qu'on fait en spectacle. D'accord. Puis qu'on est en train de développer de plus en plus. On la découvre. Oui, merci. Ça. Val Thomas va s'installer et nous continuons de vous inspirer, j'espère, à la maison. Vous inspirer, par exemple, à prendre le téléphone et à composer le 640-25-75, histoire de... nous soutenir financièrement ou aussi à venir nous retrouver en studio à Limoilou, 3e avenue 405 pour entendre comme nous Val Thomas. Settle down, settle down, settle down, settle down. Morning will come around, and light the night sky and the fear in your eyes. It wasn't yours, it wasn't mine, it wasn't ours. Let's move on. We never really asked for this, never really wanted it, we just did it. Round offerings. We never really give in. Come down, come down, come down from your high horse. That big noise, your loud voice, and that raging tone, and your dark remorse. Hold on, hold on. Don't start again. We both know how this will go. We both know how this will end. We play pretend. We lay the fences around offerings. Never really give in. It wasn't yours, it wasn't mine. We faked it. We acted like we were colorblind after we painted. All the shapes and all the lines have already faded. We never really asked for this, never really wanted it, we just did it. Round offerings, we never really give in. Merci. Val Thomas, Val Thomas au Radioton de CKRL, bravo Val. Et cette charmante et talentueuse jeune femme dispose d'un mini-album qui s'intitule Chronicles from the Cave, c'est ça, dont je parlais tout à l'heure, qui réunit 5 chansons. Et Val, je soupçonne que, je sais pas, moi, tu fais des études en théologie, en philosophie. Je vois le titre de ton album, j'ai écouté 2 chansons là tout de suite en personne. Ça crée pas le même effet que sur disque, bien sûr. C'est toujours plus prenant et plus intime quand on est devant l'interprète. Et qui est aussi auteur, compositrice, interprète, bien sûr. Alors, je me dis, tu dois être quelqu'un de l'intérieur, hein? Quelqu'un qui exprime en chanson des choses dont il peut être difficile de parler comme ça dans une conversation. Est-ce que je me trompe? C'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Vous ne trompez pas. C'est ça. Je pense que je suis portée à réfléchir beaucoup, des fois trop. Alors la musique, ça permet de rendre ça un peu plus fun, oui. Un peu moins troublant. Et une fois qu'on a écrit sur un sujet, il devient moins lourd peut-être? Oh oui, pour moi ça me permet de prendre un recul par rapport à quelque chose qui peut être comme des démons intérieurs ou des fois c'est ça, des choses qui peuvent prendre beaucoup d'énergie sans qu'on soit conscient. Qui nous grugent. Qui grugent l'énergie. Puis je trouve que quand on est capable de mettre des mots dessus, de prendre un recul, puis de rendre ça beau, c'est comme faire la paix avec quelque chose. Et le partager ensuite, ça ajoute encore? Ah, c'est encore mieux, oui. C'est le fun. Puis dans le fond, on est tous assez pareils. Je pense qu'on traverse les mêmes sortes d'étapes. On a les mêmes sortes de questions, les mêmes sortes de souffrances. Alors, je pense que on peut se rejoindre là-dessus. Même si on est tous très différents, on est quand même très, très similaires de beaucoup de façons. Et parlant de souffrances, tu connais bien la chose puisque tu m'as confié que tu travailles auprès de personnes en soins palliatifs. Oui, j'ai la chance d'accompagner des personnes en soins palliatifs. Ils m'apprennent énormément, autant les personnes que les familles, que les gens qui travaillent aussi là depuis des années. Mm-hmm. Moi, je commence. Alors, j'apprends beaucoup, beaucoup sur ce passage vers l'inconnu. Ouais. C'est un soutien psychologique que tu apportes? Ça s'appelle les soins spirituels. Mm-hmm. Avant, c'était des prêtres qui faisaient ce genre de travail. Puis depuis récemment, c'est devenu sécularisé. Puis il y a des femmes comme moi. Oui, c'est bien. qui ne font pas nécessairement partie d'une religion précise, mm-hmm. qui peuvent suivre une formation et accompagner des personnes de façon par rapport aux croyances large. De la personne. Oui, même des athées, même des personnes. Oui. Je rencontre des personnes qui me disent non, pour moi, il n'y a absolument rien. Mais il y a quand même un accompagnement parce mm-hmm. que jusqu'à ce qu'on se rende jusqu'à là, ben, la personne, elle a besoin de réfléchir à des choses, elle veut parler, elle veut faire la paix avec des membres de la famille. Alors, oui. C'est dur pour toi ou ça se passe sereinement en général? C'est les deux en même temps, c'est ça. C'est dur parce qu'on constate notre impuissance devant ce grand mystère. En même temps, c'est très... ça grande. Oui, on réalise, ça ramène à l'essentiel. On réalise qu'est-ce qu'on est vraiment. On est humain, puis c'est une réalité. Malheureusement, ma génération, on est assez loin de cette réalité. Puis on n'a pas la chance de côtoyer les personnes qui sont dans cette phase pour nous rappeler un peu l'essentiel, je pense. Ouais. des propos graves, mais... Ah, c'est lourd, hein? C'est très touchant, très intéressant. C'est aussi grave, mais essentiel. Et ça ne veut pas dire que le party ne va pas continuer ici à CKRL, parce qu'on a encore deux prestations dans la deuxième demi-heure de l'émission. Val, tu étudies donc en théologie et philosophie. Et donc, c'est ça maintenant, la théologie au Québec, c'est de s'ouvrir à toutes les confessions, à toutes les croyances, pour que tout le monde ait sa place. Oui, dans le fond, on essaye autant que possible d'avoir un regard ouvert. Diversité. Oui, diversité, tout à fait. C'est ce qu'on a ici à CKRL, diversité des goûts, diversité des styles musicaux. Ouais, et puis les rencontres avec des personnes comme toi, surprenantes, qui viennent avec leurs chansons folk et puis qui finalement nous parlent de soins palliatifs et d'accompagnement spirituel. C'est merveilleux. Moi, j'ai vécu ça depuis que j'ai mis un pied ici à CKRL. Ça ne fait que continuer. Toi, tu as suivi un cours, c'est ça? Suivi un cours en accompagnement des personnes mourantes, effectivement, puis en psychologie gérontologique. Donc, on partage certains intérêts. Et voilà, c'est toujours des rencontres merveilleuses. Tu as parlé en début d'émission de la scène musicale de la ville de Québec que tu as découverte en arrivant ici pour faire tes études à l'Université Laval, parce que tu es originaire de Montréal. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette scène? Tu avais l'air de dire qu'elle était aidante pour quelqu'un qui débute. Comment ça s'est concrétisé pour toi? Ben, je trouve qu'elle est très... D'abord, il y a beaucoup de talent. C'est impressionnant. Il y a vraiment énormément de talent. C'est aussi très tissé serré. Les gens s'entraident beaucoup, beaucoup, s'encouragent beaucoup. Et il y a beaucoup de possibilités. Ben, c'est ça que j'ai trouvé. Il y avait beaucoup de possibilités. Il y a l'ampli qui encourage les musiciens. Il y a Première Ovation qui encourage. As-tu suivi une formation à l'ampli, toi? Oui, d'accord. Gestion de carrière artistique. Puis ça a été un peu mon premier contact avec la scène à Québec. Après, j'ai rencontré des personnes à travers ça. Éric Blanchard, des Raton Lovers, qui m'a présenté Josué, qui m'a présenté les musiciens. D'accord. En très peu de temps, tout ça s'est fait. Et un accueil incroyable. Aussi, je trouve une compétence vraiment impressionnante. Ils sont tous très talentueux. Puis, ouais. Puis, les lieux de diffusion aussi. As-tu profité de certains lieux pour donner des concerts? Oui, drôlement, j'ai fait beaucoup de spectacles au Saint-Angèle. Oui, le bar Saint-Angèle. Que je connais bien pour le jazz. C'est le fun. Puis, il y avait des soirées, à un moment donné, soirées Nashville. Avec Arte Boreal, et j'ai eu la chance de pouvoir animer. Là, j'ai peut-être fait les premiers shows à Québec, là-bas. Puis, quelle belle place pour commencer. Ouais. Et à Montréal, tu te produis aussi sur scène? Ben, je commence. Mm-hmm. Alors, je découvre et je vois que là aussi, il y a une belle scène, puis il y a beaucoup de talent, beaucoup d'offres. Voilà, c'est pas la même, je dirais, concurrence, mais dans le sens de, il y a un nombre de places et exactement, il y a beaucoup de candidats. C'est ça, alors c'est peut-être un petit, c'est un peu plus challenging. Oui, il y a un cran plus, plus difficile de faire sa place. Peut-être, oui. En même temps, je pense que c'est juste différent de Québec. C'est juste de prendre le temps de connaître les gens, puis apprécier aussi. Et le public à Québec, devant une auteure-compositrice-interprète comme toi qui chante en anglais, comment ça se passe? Ben, jusqu'à maintenant, c'est quand même les débuts, mais je me suis sentie très encouragée, mm-hmm, justement par CKRL aussi qui m'ont reçue. C'était les premiers qui m'ont reçue quand j'ai sorti la première chanson il y a un an, Maze. Alors, je trouvais qu'il y avait beaucoup de... Oui. Tu vas nous en jouer une autre, oui. Val. OK. Elle figure sur ton mini-album? Oui. Il s'agit de Fine Line, Fine c'est Line. Ça? OK. Oui. Fine Line, Val Thomas va s'installer au Radioton de CKRL. On va l'entendre voix et guitare acoustique, dont elle joue merveilleusement, avec sa charmante voix. Val Thomas, Fine Line, au Radioton de CKRL. You can have my my heart, but don't play with my mind, don't play with my mind. I won't be fooled by your sweet eyes, sweet eyes. Ooh, it's a fine line, fine line. Ooh, it's a fine line, fine line. It's not a game, this is real life. It's something to know, hold it close and call it home. Ooh, it's a fine line, fine line. Ooh, ooh, it's a fine line, fine line. I won't by your bedside for you to rise. See, my patience is wearing thin, I don't know where to begin. Ooh, it's a fine line, a fine line. Ooh, it's a fine line, fine line. Oh, it's a fine line, fine line. Val Thomas, Radio Tante CKRL, merci Val. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais il y a quelque chose d'apaisant dans cette chanson, dans cette interprétation. Merci. Oui, je pense que je l'ai écrite pour m'apaiser moi-même. Voilà ce qu'on disait tout à l'heure. Parfois, les difficultés qu'on vit, une fois qu'on les a couchées sur papier, qu'on les a mises en musique, ça apaise quelque chose. Oui. J'ai lu quelque part que tu avais le rêve d'écrire des chansons pour d'autres. Est-ce que c'est toujours, toujours d'actualité, ce rêve? Oui, dans le fond, j'ai beaucoup de chansons dans mon ordinateur qui sont juste là. Paroles et musique. Paroles et musique, que j'ai écrit à comme une banque de, je pense, 65 chansons. Wow. qui dorment, qui un font... Un trésor. Il y en a sûrement la moitié qui ne sont pas nécessairement bonnes, mais peut-être là-dedans, il y a quelques-unes qui pourraient servir à d'autres artistes ou qui peuvent aller avec d'autres projets aussi. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est collaborer avec d'autres artistes, musiciens. Puis c'est intéressant, je pense, écrire pour d'autres personnes et contribuer à d'autres projets, sortir un peu de nous-mêmes. Puis ça prend tout un autre sens. Et c'est quelque chose que j'aimerais explorer, ouais. Est-ce que tu peux dire fonder un groupe dans lequel tu pourrais aussi chanter? Avec d'autres interprètes? Non, collaborer avec d'autres artistes. Oui, vraiment, c'est ça. Contribuer à d'autres projets. C'est ça. Pour ce qui est de chanter, c'est ta carrière solo en ce moment et c'est ce que tu souhaites maintenir. Oui, maintenant, c'est ça. J'aimerais quand même... je suis en train d'écrire le prochain album. Alors, je me concentre beaucoup là-dessus. Et puis, c'est sûr que je vais mettre 150% pour que ça soit quelque chose qui est à l'image de qu'est-ce que je porte. Mais je pense que ça fait du bien aussi de collaborer, d'écrire pour d'autres personnes. Comment ça se passe pour toi, l'écriture, la composition? Est-ce que tu te donnes une obligation d'être productive? Parce que tu disais tout à l'heure que tu avais écrit des textes depuis toute petite, depuis très, très longtemps. Donc, c'est un mode de vie pour toi? Tu es toujours en mode créatif? Bien, c'est une bonne façon de le dire. C'est vraiment un mode de vie. Ouais, je le fais régulièrement, surtout après des journées à l'hôpital. Il y a plein d'histoires, on a vu plein de choses. Puis là, j'écris non-stop, juste pour évacuer. Puis... presque tous les jours, j'écris, mais sans me fixer un temps, ou c'est juste quelque chose que je fais un peu comme, peut-être comme toi, ou tu disais tantôt. Dans le meilleur des cas. Oui, c'est ça, oui. Et la musique vient après? Dans le fond, c'est... Je vais écrire des textes, puis après, je vais jouer la guitare et je vais prendre des petits éléments comme du patchwork. D'accord. OK, je vais prendre ça, puis un autre de là, puis mettre ça ensemble. Un collage. Avec... Collage, oui, c'est ça. Oui. Et là, est-ce que t'es le genre bosseuse qui va peaufiner, qui va travailler, qui va revoir la copie jusqu'à ce que tu sois parfaitement satisfaite? Dans le meilleur des mondes, autant que possible. Mais comme celle Fine Line, mm-hmm. c'est venu en un coup. Tu sais, ça a pris 15 minutes, puis celle-là, je n'ai pas retouché. D'accord. Ah, mais il y en a d'autres que j'ai retouché longtemps. Fait que ça dépend de la chanson, oui. L'émotion aussi qui se traduit. Tu seras sans doute d'accord avec moi pour dire qu'une chanson qui vient en 15 minutes, c'est parce qu'il y a eu toute une somme de travail avant, parfois sur des chansons qui n'ont pas abouti. Oui. Et puis que tout à coup, ça se produit au jour J. Il y en a une qui sort et c'est celle-là. Mais c'est ça, je trouve, la magie de la création. C'est qu'on ne contrôle pas nécessairement quand ça va se venir ensemble, quand ça va se coller, quand ça va devenir quelque chose. Mais si on travaille tous les jours là-dessus, ça donne, ça dispose. Oui, comme s'il y avait une cristallisation là, quelque part, puis c'est aujourd'hui que ça se passe. Ouais. Les éléments se mettent ensemble, puis on ne maîtrise pas tout là-dedans. Non, c'est ça, exactement, pas du tout, je pense. Non. Donc on s'émerveille soi-même. Oui, oui, oui. Oui, c'est un beau chemin, je pense. Mais chacun est différent, parce qu'il y en a, je sais, qui travaillent autrement, puis ils ont un résultat magnifique, alors, oui. Et avec les musiciens qui t'accompagnent, comment ça se présente? Est-ce que toi, tu écris des partitions pour eux? Est-ce que tu leur laisses beaucoup de place pour l'improvisation, pour apporter leur couleur personnelle? Ouais, c'est ça. J'apprécie beaucoup leur contribution. Mm-hmm. Puis ils sont plus musiciens que moi. D'accord. Moi, c'est plus les textes et peut-être la mélodie de fond. Mais les arrangements, c'est plus eux qui ont ce talent-là. Alors, c'est le fun de voir qu'est-ce qu'on peut chacun amener. Oui, puis se sentir soutenu, parce que là où toi, tu as moins d'expérience, eux prennent la relève. Oui, exactement, c'est ça. On fait quelque chose ensemble, oui. Val, on va t'entendre faire une dernière chanson. OK. Et tu nous as promis « Last Drop ». Oui, c'est ça. C'est ça? On te laisse t'installer. Merci. Le Radio Authentique ARL se poursuit une heure avec Val Thomas et il est toujours temps, bien sûr, jusqu'à demain soir de nous appeler au 640-2575, de passer nous voir au 405 3e Avenue. Venez vous acheter un merveilleux T-shirt de CKRL. Ils sont beaux, les T-shirts. Je vois là, un collaborateur, Yves, qui en porte un superbe dans un rouge et blanc et noir vraiment accrocheur. Yves, tu vas avoir un succès fou avec ça. Ah, c'est déjà fait qu'il me répond. Alors nous, on va profiter une dernière fois du talent de notre invité Val Thomas à CKRL. I've been down to my last drop. I was living in the dark. I reached, you know, I reached the top. It's time for me to move on, and I need to hear new words. Looking for feelings that won't. And I'm gonna heal. I need to heal this hurt with a little harmony. To relieve with ease. To relieve my fears. I've been keeping myself apart. I've been holding on to what goes. drop. Val Thomas, bravo Val, merci le Radioton de CKRL, toujours l'occasion de découvrir des artistes de grand talent, comme cette auteure, compositrice, interprète Val Thomas. Merci Val. Merci. Val, tu trouves l'inspiration, je crois, un peu partout dans la création de ton œuvre. Peux-tu nous en parler? Bon, tu as parlé tout à l'heure de tes interventions auprès des personnes en soins palliatifs. Quand tu sors de l'hôpital, tu as eu des expériences parfois difficiles. L'écriture va t'aider dans ces moments-là. Quoi d'autre? Je pense que c'est beaucoup à des relations, ce qu'on vit à travers les relations qui nous touchent, qui nous confrontent parfois, qui nous font bouger. Et je pense que c'est ces petits mouvements intérieurs, tu sais, des petits moments d'inconfort ou des petites transitions qui déclenchent une réflexion, puis un besoin d'exprimer aussi quelque chose. Puis des fois, avec la personne, c'est pas facile, mais avec la musique, c'est facile. puis ça embellit, ça met un peu de beauté, de fun, parce qu'on joue la musique, alors c'est un jeu. Et je trouve que ça met du plaisir sur ces petits mouvements intérieurs qui, des fois, sont inconfortables. Alors, ça vient de l'inconfort. J'aime bien ta façon assez pudique de parler, parce que derrière tes mots, l'inconfort, j'entends les conflits, l'incompréhension, la souffrance. Il y a tout ça derrière, non? Oui, mais aussi... il y a ça, mais aussi juste ce qu'on comprend pas. Tu sais, des fois, ce qui nous fait bouger intérieurement, ça peut être autant, des fois, même quelque chose d'incroyable, de beau. On n'est pas habitué, des fois, waouh! Puis on n'arrive pas à saisir tout dans l'instant. On fait quoi avec ça? Waouh! Mm. Puis après, OK, ben, je vais faire une chanson, puis ça va faire ce que ça fait. Et les autres arts, est-ce que t'es une amatrice de... J'adore la danse. La danse, oui? J'adore. Oui, la danse, c'est number one, actually. Pour en faire ou pour la regarder? Ah, les deux, j'adore. Ça aussi, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Puis, ça fait du bien danser, oui. Mm-hmm. Un style en particulier? Tous les styles, oui. Oui? Oh, j'adore. Mm-hmm. Wow! Let's have a dance party! Ça promet sur une scène, ça parle. Peut-être, mais je ne sais pas si ça se marie bien avec le folk. Mm-hmm. Bah, tu peux créer, inventer quelque chose. Peut-être, qui sait, hein? On ne sait jamais. Donc, oui, la danse, on est toujours dans la musique, on est toujours dans la présence physique, plus que, par exemple, les arts visuels. Je ne suis pas du tout très bonne en arts visuels, mais non, ça, j'ai besoin d'aide. C'est mes amis qui m'aident plus pour ça. Parce que non, j'ai pas de talent du tout en art visuel. C'est plus dans le ressenti. La musique, c'est le ressenti. Puis, ouais. Et le temps qui s'écoule à mesure que l'œuvre est interprétée pour nous ou qu'on la joue. Mm. Inscrite dans le temps qui s'écoule. Qui disait, c'est ça, que la musique, ça permet d'arrêter le temps? Oui. Parce que ça nous met vraiment dans le présent. Tu sais, on est à fond là où on est. Oui. Quelle sorte de carrière aimerais-tu mener, toi, comme auteure, compositrice, interprète, en tant que femme, chanteuse de folk? As-tu une vision de là où tu aimerais aller avec ta guitare et ton micro? Oh! Je pense que mon rêve, ça serait de pouvoir voyager avec la musique. Oui. Ça, je trouve ça vraiment trippant. Puis aussi d'écrire pour des films, d'écrire pour... d'autres artistes aussi, mais tout en gardant aussi un projet solo. Ouais. Voyager avec la musique, ça, c'est super cool. Voyager, c'est beau, ça. Avec, une valise en forme de guitare qui se promène. On avait Philippe Braque tout à l'heure qui parlait de pirogue pour passer d'un continent à l'autre. Moi, je verrais un étui à guitare. Et Val qui s'en va vers d'autres cieux et qui revient toujours, bien entendu. Oui. Oui, c'est ça, Val Thomas. On te le souhaite, bien sûr, une longue carrière. Merci. Une longue carrière et une carrière riche avec des thèmes de chansons qui sont libérateurs, mais espérons pas trop ancrée dans la souffrance, dans la difficulté. Exactement. Donc, une vie douce, mais quand même qui est porteuse de création. Oui. Je vais tout de suite remercier, parce que notre émission tire à sa fin, les gens qui ont collaboré avec moi aujourd'hui, Simon Roy, Julie Collin à la technique. On a eu Vincent Nolin-Bouchard qui m'a tenu le temps comme un véritable chronomètre. Merci, Vincent. L'émission suivante s'intitule « Regard sur les médias » avec Tania Beaumont et Noémie Mercier, une collaboration de Télé-Québec. Le Radioton de CKRL se poursuit, bien sûr, jusqu'à demain soir. Val, merci encore de ta présence chez nous. Merci à toi, merci de m'avoir reçu, puis pour cette belle conversation. Et CKRL, hein? CKRL, on lâche pas, hein? Let's go! Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, Val, de faire, par exemple, pour contribuer, là, si tu devais acheter un T-shirt, boire une bière, te faire donner un massage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît là-dedans? Ah, je prendrais 3 bières, oui. Suivi d'un massage, suivi d'un T-shirt, oui. Puis un CD que je vais acheter de Philippe Braque, qui est peut-être à l'entrée. Ben, peut-être, il faut voir, il y a plein de CD à l'entrée, de choses qu'on peut se procurer en passant ici, au 405 3e Avenue à Limoilou, à Québec. Téléphonez-nous aussi au 640 25 75. Je m'appelle Guylaine Saint-Pierre. Ça a été un plaisir de te rencontrer, Val. Merci beaucoup. Et de voir tout le monde ici à CKRL, qui est pour moi une deuxième famille. Merci au public. Yeah. Bon, vas-y, au temps.